Aujourd'hui, je vous prépare le bol du Bouddha. C'est un gros bol bien rempli, un peu comme un gros ventre de Bouddha heureux. Santé, bok choy. Je coupe en... C'est bon du tofu, de la sauce soya. Moi, dans mon cas, j'utilise du sirop d'érable. Bye! Ça fait envie, non? Oui, c'est pas la poutine, parce que j'ai reconnu l'accent, mais en l'occurrence, le bol de Bouddha, je connaissais pas. Bon, bah, bon appétit pour ce midi. Hein. Et c'est pour que dans l'imaginaire collectif... À demain, Emmanuel. C'est pour que dans l'imaginaire collectif, Bouddha soit associé à autre chose qu'à une statue joufflue et un bol diététique, que nous vous proposons de passer une semaine à lire et comprendre le bouddhisme, afin de dissiper les malentendus auxquels a pu conduire notamment l'un de ses concepts clés, le nirvana. Apparu celui qui éclaire le monde, le protecteur du monde qui produit la lumière, qui donne au monde devenu aveugle l'œil qui discerne la corruption naturelle. Tu as été vainqueur dans le combat, toi dont le désir s'est accompli par tes mérites. Accompli par tes doctrines pures, tu rassasiras les êtres. Tu es éminent, grand sage, homme sans égal dans les mondes. Tu n'es pas imprégné par les lois du monde, comme le lotus auquel l'eau n'adhère pas. Ce monde longtemps endormi, enveloppé dans un amas de ténèbres, c'est toi qui, avec ta lampe de la sagesse, es capable de le réveiller. Dans le monde des êtres depuis longtemps en détresse, tourmenté par les maux de la corruption naturelle, tu es apparu, roi des médecins qui délivre de tous les maux. Bonjour Philippe Cornu. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Est-ce que vous connaissez le groupe qui interprète cette chanson de David Bowie? Nirvana. Nirvana. Nirvana, ça veut dire quelque chose dans les textes bouddhiques qui est assez différent de l'imaginaire qu'on s'en fait, non? Oui, mais enfin je préfère une chanson plutôt que le néant auquel on l'assimile parfois. Le nirvana n'est pas le néant, c'est quoi le nirvana? Le nirvana, c'est... On va commencer par le meilleur. C'est l'au-delà de la souffrance. C'est-à-dire quand vraiment toutes les causes de souffrance et toutes... les manifestations de la souffrance ont été épuisées par un travail spirituel, eh bien on parle de nirvana, en effet. C'est un état, c'est une dimension, en fait, qui accompagne l'éveil et la libération. Donc c'est le but ultime de la voie à suivre quand on pratique le bouddhisme? Oui, c'est... Disons qu'il ne faut pas non plus l'opposer complètement. Ça dépend aussi du chemin que l'on fait. Parce que dans le bouddhisme, il y a différentes manières d'aborder le nirvana. Et le nirvana, parfois, est vu comme un domaine... différent, effectivement, et dans lequel on va rentrer quand on aura quitté ce qu'on appelle le samsara, c'est-à-dire en fait le monde conditionné, des existences conditionnées. Mais en même temps, par exemple, dans le grand véhicule, on va plutôt parler d'un samsara et d'un nirvana qui ne sont que deux faces d'une même des mêmes phénomènes, selon qu'on les appréhende, selon la connaissance juste, ou alors selon l'illusion. On va essayer de comprendre tout ce que vous dites parce que derrière le mot bouddhisme se cache beaucoup de choses. Vous êtes professeur à l'Université catholique de Louvain, chargé de cours à l'INALCO, spécialiste du bouddhisme, on l'aura compris, et de l'histoire des religions. Vous avez traduit des textes bouddhiques aussi importants et vous avez proposé un ouvrage qui s'appelle Le bouddhisme, une philosophie du bonheur, 12 questions sur la voie du Bouddha aux éditions du Seuil. Et ce sera le sujet de cette émission pour commencer cette série sur le bouddhisme. Est-ce que le bouddhisme est une philosophie? Et si oui, ou même sinon, est-ce que son but, si on peut formuler les choses ainsi, serait d'atteindre le bonheur? Avant cela, Philippe Cornu, aidez-nous, déplions les différents sens, les différentes réalités que recouvre le terme même de bouddhisme. Oui. Quand est-il apparu? Le terme bouddhisme n'apparaît qu'en 1817. C'est un terme de M. Ozeray, qui a, pour la première fois, parlé de la religion de Boudou. Et donc, c'est évidemment un terme occidental, comme tous les ismes qui peuvent exister, et qui sont des manières de mettre dans une petite boîte quelque chose qui déborde très largement de la boîte. Et évidemment, on parle plutôt du Bouddha Dharma, hein, c'est-à-dire que le Dharma, c'est le sens véritable du mot pour les Asiatiques, ça veut dire tout simplement la nature même des phénomènes, ce qui est vraiment derrière en quelque sorte l'apparence. Donc on a un monde d'apparence qui est perçu par nos sens, mais est-ce la réalité, la seule réalité? C'est toute la question, et le bouddhisme nous explique que non. C'est une manière de projeter notre esprit sur le monde qui nous illusionne, et le dharma, c'est véritablement découvrir derrière les phénomènes qui sont appelés d'ailleurs les dharmas, hein, derrière les dharmas, disons, apparents, ce qu'est véritablement la nature fondamentale de la réalité. Le terme de bouddhisme est récent, en revanche, ce qu'il désigne, la pratique bouddhique, on peut la dater, hein, on dit qu'elle serait apparue il y a 25 siècles dans l'Inde. Oui, 6e siècle avant Jésus-Christ, oui, tout à fait. Avec les dernières recherches, disons, archéologiques à Lumbini, effectivement, on est revenu au 6e siècle avant Jésus-Christ. À un moment donné, on l'a ramené un petit peu vers nous, et puis là, finalement, les datations au carbone 14 prédispose, disons, vers une datation de ce type. En Inde, mais aussi on en trouve des traces dans d'autres pays asiatiques, hein, Birmanie, Sri Lanka, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge. Oui. Est-ce que dans tous ces pays, on peut parler de manière uniforme du bouddhisme? Ou est-ce que chacun a une pratique différente? Alors, on peut parler du bouddhisme. Moi, je suis un maniaque là-dessus. Oui. On parle du bouddhisme, mais avec différentes expressions, effectivement, culturelles, qui vont l'habiller. Et puis aussi différents types de véhicules, c'est-à-dire ce qu'on appelle des véhicules, c'est des méthodes d'accès justement à la libération qui peuvent être différentes selon le type de personne à qui ça s'adresse. Et donc on a différents véhicules et différentes aires géographiques. Donc ça fait une profusion de formes de bouddhisme, mais il y a quand même des fondamentaux qui restent. Et des textes en commun ? Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Il y a des textes, disons, du bouddhisme ancien qui sont communs. Et puis, il y a un certain nombre de principes philosophiques, effectivement, et de principes de pratique essentiels qui sont communs à tous les bouddhistes. Une autre façon d'en parler, c'est de s'interroger, alors certes, sur le sens des termes, sur la pratique. Est-ce que vous pratiquez? Est-ce que vous êtes pratiquant, vous? Oui, je suis pratiquant, oui. Oui, donc, oui. Si je vous demande si vous êtes pratiquant, c'est que c'est davantage une religion qu'une philosophie. On ne demande pas à un philosophe s'il pratique sa philosophie. Quoique, on pourrait. Bah, il faudrait, en fait. Il faudrait, comme disait Pirado. En réalité, voilà, la théoria et la praxis, hein, comme dirait Pirado, c'est pas quelque chose qu'on doit opposer ni séparer. Et donc, si on a une vision de l'existence, autant qu'elle rentre dans notre vie et qu'elle signifie quelque chose dans notre quotidien également. Et la pratique, c'est finalement une manière d'intégrer, en fait, des principes aussi, à la fois philosophiques et spirituels, dans notre existence, de façon à ce que cette existence ait un sens. Donc pour moi, c'est clair que la pratique, ça fait 40 ans que je pratique le bouddhisme, plutôt dans une forme tibétaine, mais c'est une forme très complète en plus. Comment se pratique-t-il le bouddhisme? Alors plus tard dans la semaine, on parlera de la méditation, du zen, etc. Oui, mais il y a trois aspects dans la pratique bouddhiste qui sont énoncés dans la quatrième vérité des nobles. C'est la discipline, une discipline éthique, c'est-à-dire une morale. Évidemment, une éthique. C'est important d'avoir une éthique, parce que, bon, on ne peut pas pratiquer la méditation et faire n'importe quoi dans la vie, ça serait complètement aberrant. Donc, l'éthique, qui est une éthique de recommandation, hein, à laquelle on peut adhérer si on le souhaite. La méditation qui consiste à entraîner son esprit, à regarder comment fonctionne notre esprit, parce que nous ne savons pas grand-chose de notre esprit, d'une manière générale. Et c'est la meilleure manière de mettre une éthique en conformité avec notre esprit que de pratiquer la méditation. Et puis d'autre part, qu'est-ce qui va découler de la méditation? Une plus grande clarté, une compréhension également à travers la lecture des textes, etc., qui va nous permettre, et l'écoute des enseignements, qui va nous permettre de développer ce qu'on appelle le troisième volet, qui est la sagesse. C'est elle qui va nous libérer véritablement de nos illusions, mais l'éthique et la méditation et la sagesse sont indissociables. Il n'y a pas de véritable chemin bouddhique sans les trois associés. Se libérer. Voilà. Pour aller vers la vérité. Au fond, c'est une quête de vérité. C'est ça, c'est une quête de vérité, oui. Alors, on va essayer d'explorer la différence entre la religion et la philosophie, puisque les deux sont peut-être intrinsèquement liés dans le bouddhisme, et puis surtout les conceptions occidentales et orientales de la religion et de la philosophie qui sont très différentes. Je vous propose qu'on commence avec un texte de Nietzsche. Et oui, nous sommes en Occident. Nietzsche qui parle du christianisme et du bouddhisme pour les comparer et les distinguer. Écoutez, c'est lu par Georges Clès. Le bouddhisme est 100 fois plus réaliste que le christianisme. Il porte comme héritage la faculté de savoir objectivement et froidement poser les problèmes. Il vient après un mouvement philosophique de plusieurs siècles. L'idée de Dieu est déjà abolie quand il arrive. Le bouddhisme est la seule religion vraiment positiviste que nous montre l'histoire, même dans sa théorie de la connaissance. Il ne dit plus « lutte contre le péché », mais donnant droit à la réalité, « lutte contre la souffrance ». Il a déjà derrière lui, et cela le distingue profondément du christianisme, l'illusion volontaire des conceptions morales. Il se trouve placé, pour parler mon langage, par-delà le bien et le mal. Par-delà le bien et le mal, c'est là où nous conduit le bouddhisme et c'est là où vous êtes, sur France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons du bouddhisme cette semaine, aujourd'hui en compagnie de Philippe Cornu, auteur du bouddhisme, une philosophie du bonheur, point d'interrogation, et c'est la question que nous allons nous poser. Ici avec ce texte de Nietzsche, qui vient de l'Antéchrist, en 1888, Nietzsche qualifie le bouddhisme de religion, mais de religion 100 fois plus réaliste que le christianisme, pour une raison très claire, hein, dit-il, la faculté de savoir objectivement et froidement poser les problèmes. Et là, on est à mi-chemin entre la religion et la philosophie, Philippe Cornu. Oui, puisque la quête du Bouddha, fondamentalement, c'est l'éradication de la souffrance. Pourquoi la souffrance ? Oui, il ne dit plus lutte contre le péché, mais lutte contre la souffrance. C'est ça toute la différence. Voilà. Et immédiatement, ce qui va apparaître, c'est que c'est pas le mal qui est un problème dans le monde, un mal qui serait presque personnalisé et opposé au bien. C'est l'ignorance, fondamentalement. Mais une ignorance vraiment existentielle. Pas une ignorance de savoir, de connaissance. Non, une ignorance existentielle. Qui sommes-nous véritablement ? Quand on se pose réellement la question, on est pris d'une sorte de vertige. Parce qu'on ne sait pas vraiment qui nous sommes. Alors, bien sûr, on peut toujours s'identifier à quelque chose. Mais c'est conceptuel. C'est très difficile, en fait, de savoir qu'est-ce qu'il y a véritablement en nous de fondamental. Et ça, c'est cette question-là qui a été creusée. Et d'une manière, effectivement, éminemment... philosophique, on peut le dire, mais également pratique, parce que tous les postulats de la doctrine du Bouddha et de ses successeurs doivent être mesurés à l'aune de la pratique, c'est-à-dire de l'expérience personnelle. C'est extrêmement important de vérifier dans l'expérience. Oui, vous dites l'expérience personnelle. Quel rôle joue le moi, le soi, dans le bouddhisme ? Alors, l'idée reçue, c'est que dans le bouddhisme, il n'y a pas d'individu, il n'y a pas de soi, de personnalité, qui est une sorte de dissolution de l'existence dans le monde. Alors là, c'est une question complexe, parce que le moi, vous avez le temps. Le moi n'est qu'une convention. Hein, c'est-à-dire que, et d'ailleurs David Hume a dit à peu près la même chose en Occident, on l'a un petit peu trop souvent oublié, David Hume a complètement déconstruit le moi à la même manière que le Bouddha, pratiquement. Donc il y aurait des ponts peut-être à faire, de même que sa théorie des faisceaux. En fait, en réalité, donc le moi, c'est surtout une convention, c'est-à-dire c'est une construction mentale. On construit le moi à partir de nos souvenirs, à partir de nos mémoires, à partir de nos traumatismes, à partir de tout ce qu'on peut ramasser un petit peu dans notre conscience, qui constitue en quelque sorte une espèce de sentiment de soi, et en plus on l'identifie à ce que nous sommes dans notre structure psychophysique. Et alors, dans le bouddhisme, nous sommes un phénomène composé. Alors, c'est pas une injure, c'est simplement qu'on est la convergence de causes et de conditions momentanées qui permettent la conception d'un individu, puis sa naissance, puis son évolution au cours de l'existence, et sa dissolution, c'est-à-dire sa désagrégation au moment de la mort. Donc déjà, rien que cela montre que le moi ne saurait déjà durer plus d'une vie. Mais néanmoins, Étant donné que la conscience se construit à partir de ses actes et à partir de la répercussion des actes moraux qui sont constitués dans la conscience, ce qu'on appelle les intentions d'actes créent en quelque sorte des empreintes dans notre conscience, eh bien, en fait, nous sommes tributaires des actes passés. C'est ce qu'on appelle le karma. Et en fait, à partir de là... C'est-à-dire qu'on hérite de vies précédentes, des voilà, effets, des restes vie des précédente vies précédentes. De quelqu'un qui a cru être un moi également dans une vie précédente, qui va se projeter dans la vie suivante avec un nouveau moi, mais en réalité, le moi ne peut pas exister plus que pendant une certaine période. Et encore, la période pendant laquelle il existe, en fait, c'est parce qu'on le reconstitue à chaque instant. Parce qu'en réalité, il se défait à chaque moment. Donc le moi est purement conventionnel. Alors ça sert à avoir une carte d'identité, etc., à payer des impôts. Mais néanmoins, le moi, c'est juste une convention. En réalité, il y a une continuité, effectivement, c'est le processus psychique qui continue, mais ce processus psychique est sans cesse enrichi et sans cesse, en quelque sorte, fait mûrir des processus qui ont été produits dans le passé, qui se manifestent, donc qui sont terminés maintenant, mais auxquels on réagit et on réenrichit en quelque sorte le continuum mental. Et évidemment, le compte n'est pas terminé au moment de la mort. Par conséquent, l'énergie psychique du karma nous propulse, ainsi que l'attachement à l'existence, le désir de devenir, la soif du devenir, comme dit le Bouddha, nous projette en fait dans la vie suivante. C'est-à-dire que tant que les compteurs ne sont pas mis à zéro, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc en quelque sorte, on continue à mettre de l'essence dans le moteur, ben, ça continue à tourner. Oui, et on va voir ce qui tourne vraiment, ce qu'est le monde, et ce qu'il y a une forme de cosmologie dans le bouddhisme. Oui. D'abord, puisque vous insistez sur cette dimension du moi, et en l'identifiant à la conscience, quelle place pour le corps? Puisqu'on insiste sur la souffrance elle est aussi physique. Bien sûr. Est-ce bien que sûr. L'idée est aussi de se défaire du corps et de coïncider avec quelque chose qui n'est pas corporel, ou est-ce qu'il y a une forme d'harmonie peut-être à trouver avec la dimension matérielle de notre existence? Dans le bouddhisme, on ne considère jamais le corps sans l'esprit et sans la parole. Voilà, donc il n'y a pas de distinction. Corps et esprit sont liés. C'est, disons, un composé qui constitue, effectivement, il y a ce qu'on appelle les trois portes, le corps, la parole et l'esprit. C'est les trois portes de l'activité, de l'action. Et évidemment, le corps ne peut pas fonctionner s'il n'est pas agité par l'esprit. Donc c'est l'esprit qui est le boss là-dedans. Mais néanmoins, le corps est extrêmement important également. Et on ne peut pas séparer les composants réellement psychophysiques qui sont agrégés. C'est pour ça qu'on parle des agrégats qui constituent en quelque sorte notre existence pendant le temps entre la conception et la mort. Et puis on reprend des agrégats dans les existences suivantes. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose, effectivement, qui se continue, mais ce n'est ni le même, ni un autre. Mais est-ce que c'est le corps qui est le lieu de souffrance? Le lieu de souffrance... S'il faut se libérer de la souffrance, c'est une souffrance psychique. Je dirais que le corps, c'est quand même plus... Moi, j'utiliserais plus le mot douleur pour le corps, bien qu'il y ait également une douleur morale. Comment vous distinguez la souffrance, c'est morale et la douleur physique? Oui, je dirais que la souffrance est plus large. C'est un mal-être, en quelque sorte, plutôt, pour le bouddhisme. Le champ sémantique du mot souffrance est plus large. Hein. Dukkha, c'est doux, c'est ce qui est mauvais, c'est ce qui est difficile, ce qui est dur. Et kha, c'est le moyeu d'une roue qui grince. Donc quand ça grince, c'est dukkha, c'est la souffrance, c'est la douleur. Mais c'est quelque chose vraiment de l'ordre vraiment existentiel, fondamentalement. Alors bien sûr, il y a la douleur proprement dite, la douleur de la douleur, affliction morale ou affliction physique, maladie, etc. Mais il y a également la douleur de l'impermanence, c'est-à-dire le fait que les choses nous échappent à chaque instant et que même si on veut essayer de les garder, les conserver, les saisir, ça ne marche pas. Et puis d'autre part, une souffrance qui est latente parce que, justement... créés par nos actes antérieurs et qui sont un petit peu comme des petites bombes à retardement dans notre continuum psychique. Et donc, il y a trois types de souffrances fondamentaux qui, évidemment, s'associent aux circonstances et créent toute cette difficulté de l'existence. Et c'est ce qui plaît tant à Nietzsche, pour rebondir sur le texte que nous avons entendu précédemment, ce n'est plus lutter contre le péché, comme c'est le cas dans le christianisme, mais lutter contre la souffrance. Mais lutter contre la souffrance, on l'a déjà lu dans la tradition occidentale, c'est l'essence même du stoïcisme. Et ce que vous dites du bouddhisme fait penser à toute cette tradition stoïque ou stoïcienne qui consiste à essayer de ne pas se laisser altérer par la douleur, par la souffrance, pour aller vers cette forme de, alors peut-être pas d'éveil, mais en tout cas d'harmonie intérieure qui permet de ne plus souffrir. Oui, bah, il y a beaucoup de points communs, en fait, quand on écoute un petit peu effectivement les stoïciens, c'est intéressant de voir effectivement une pensée qui... Alors à chaque fois, on va trouver des pensées en Occident qui vont fragmentairement, disons, correspondre à certains aspects du bouddhisme, mais jamais complètement. Et en l'occurrence, quelle différence avec le stoïcisme alors ? Ben, le stoïcisme peut-être ne va peut-être pas aller jusqu'au bout de l'éradication de la souffrance en elle-même. C'est-à-dire c'est un moyen de maîtriser. Mais si on trouve vraiment l'origine de la souffrance, hein, la deuxième vérité des nobles, après la constatation de la souffrance, c'est l'origine de la souffrance. Et l'origine de la souffrance, c'est dans le désir, c'est dans la soif, mais c'est évidemment... ce qui est sous-jacent, c'est toujours cette ignorance fondamentale. Donc, c'est vraiment la connaissance de la réalité qui va éradiquer la souffrance. Si on arrive véritablement à cette connaissance de la réalité qui est derrière les apparences, eh bien là, il n'y a plus vraiment du tout de germe de souffrance. Et c'est ça qu'on appelle une libération. Il y a vraiment une libération, et on compte vraiment là-dessus d'une manière beaucoup plus... C'est une transcendance, la libération. Voilà, il y a une transcendance. Dans le bouddhisme. C'est-à-dire quelque chose même si ça se passe dans l'immanence, qui sort de l'expérience et de ce qui est devant nous. Atteindre l'état de Bouddha, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la condition humaine. Alors, on va y venir justement. Ouais. Et puis qu'on précise les termes même d'éveil et même du Bouddha. Qu'est-ce qu'un Bouddha ? Mais avant cela, quand même, vous dites, mais voilà, il faut se libérer une fois qu'on comprend que la source de notre souffrance est l'ignorance. Alors voilà, la vérité permet peut-être de ne plus souffrir. Sauf que quand on voit la vérité, quand on soulève le voile de l'illusion et qu'on regarde ce qu'il y a, que trouve-t-on ? La vacuité. Les formes sont vides. La vacuité elle-même, ce sont les formes. La vacuité n'est pas différente des formes. Les formes ne sont autres que la vacuité. De même, les sensations, les représentations mentales, les formations karmiques et les consciences sont vides. En conséquence, vénérable Shariputra, tous les phénomènes sont vacuités. Dépourvus de caractéristiques essentielles, ils ne naissent ni ne cessent. Immaculés et libres de toute impureté, ils ne croissent ni ne décroissent. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni représentation mentale, ni formation karmique, ni conscience. Il n'y a ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni intellect, ni forme visible, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet tangible, ni phénomènes mentaux. Il n'y a pas de sphère visuelle, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a pas de sphère mentale ni de sphère de la conscience mentale. En conséquence, Shariputra, n'ayant pas de fruits à atteindre, les bodhisattvas s'appuient sur la connaissance transcendante et s'y établissent. L'esprit libre de tout voile, ils n'ont peur de rien, et bien au-delà de toute distorsion, ils finissent par accéder au nirvana. Le bouddhisme est-il une philosophie du bonheur ? Sur France Culture, les chemins de la philosophie, en compagnie de Philippe Cornu. Dites-nous, avant que l'on commande ce texte, qui est Shariputra ? À qui s'adresse le narrateur ? Shariputra, c'est un des principaux disciples du Bouddha, connu pour sa sagesse. Voilà. Donc il est assez âgé, je crois, comme disciple, et il est souvent l'interlocuteur. Alors, il peut être un interlocuteur dans le bouddhisme ancien, mais encore plus dans le Mahayana. Il est l'interlocuteur. Mahayana, c'est le bouddhisme plus récent. Voilà, le grand véhicule. Il est souvent l'interlocuteur d'un bodhisattva. Et un bodhisattva, c'est quoi ? En l'occurrence, faut tout retraduire pour qu'on comprenne le terme. Oui, c'est un être qui cherche l'éveil pour le bien de tous les êtres. C'est-à-dire donc le double c'est ce qui but va donner pour le Bouddha. Lui-même et pour autrui. C'est-à-dire que ça serait complètement absurde de chercher l'éveil seulement pour soi-même, en laissant tous les autres souffrir. Donc l'idée, c'est que l'altruisme est fondamental, la compassion est fondamentale. Ça, on va y venir. Donc c'est un extrait donc Avalokiteshvara qui est le bodhisattva de la compassion, qui justement répond À Shariputra, dans ce sutra, qui est un sutra très court. Voilà, un sutra, c'est, étymologiquement, enfin, c'est une discours, forme voilà, de discours, mais ouais. souvent d'aphorisme, et puis par extension, ça donnait le nom même du livre lui-même. Hein. C'est-à-dire oui, Kama Sutra, le livre sur le désir, par voilà, exemple. Voilà, c'est ça, par exemple. Donc là, c'était le sutra du cœur. Ouais. On y apprend quelque chose d'assez tragique quand même. Est-ce que ça permet de cesser, faire disparaître toute forme de douleur et de souffrance? Les formes sont vides, la vacuité elle-même, ce sont les formes. Il n'y a ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue. En fait, il n'y a rien, Philippe Cornu. On ne souffre plus quand il n'y a plus rien, ça c'est un peu facile, non? C'est une bonne nouvelle. Ah bon? C'est une bonne nouvelle parce qu'on n'est pas encombré par tout un tas d'objets qui existent avec une substance qui nous coince à tous les bouts de champ. C'est complètement à l'opposé d'Aristote, si vous voulez. Donc il faut laisser tomber Aristote si on veut comprendre le bouddhisme. C'est-à-dire, quel Aristote? L'Aristote, disons, qui nous dit qu'un phénomène a une substance, une ousia, et que ce phénomène ne varie que dans ses aspects en fonction des causes et conditions qui peuvent, en quelque sorte, interférer avec lui. Mais le phénomène perdure. Et on est dans une espèce d'être, en quelque sorte, sempiternel. Dans le bouddhisme, on ne voit pas cela de cette manière-là, on voit surtout des processus. Et les processus phénoménaux ne durent jamais qu'un instant, et sont toujours la convergence de causes et de conditions tout aussi transitoires. Donc il faut comprendre le monde comme une sorte de faisceau de causes et conditions qui, quand elles convergent, constituent un nouveau phénomène, lequel est condition de phénomène suivant. Et par conséquent, un phénomène ne saurait durer plus d'un instant. Et on ne peut pas saisir quelque chose et mettre dans une petite boîte, vous voyez, pour le mettre au musée. C'est impossible. Tout est vraiment dynamique, tout est en processus. Et finalement, c'est peut-être la meilleure manière de comprendre la vacuité. Mais alors, oui, c'est ça, pourquoi vacuité? C'est un champ. Mais dire qu'il n'y a pas de substance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. La preuve, non, vous dites vous-même, non, il y a quelque chose, donc pourquoi vacuité? Vacuité veut dire vide d'existence en soi et par soi. Les choses n'existent pas par elles-mêmes, elles existent par toutes les causes et conditions qui convergent pour les faire exister. Et elles n'existent pas en soi, ni par soi, ni pour soi. Donc en fait, toutes les... Alors on appelle ça très grossièrement, souvent, c'est un mot galvaudé, interdépendance. Moi je préfère un mot un peu plus savant, c'est coproduction conditionnée ou conditionnelle même. Parce que les phénomènes sont à la fois conditionnants et conditionné par justement ce jeu de causes et conditions sans cesse renouvelé. Et qui a créé ces causes et conditions? Est-ce qu'il y a un créateur premier? Pas besoin. D'où viennent-elles alors? De l'esprit, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que même notre façon de percevoir l'univers, nous le percevons à travers nos sens. Et notre esprit, en quelque sorte, reçoit les informations à travers nos sens. Et notre façon de concevoir et de voir l'univers est une projection à partir de ces éléments qui nous sont apportés par nos sens. Par conséquent, c'est notre esprit qui conditionne, en fait, notre vision du monde. Ce qui est fascinant, c'est qu'exactement à la même époque, au VIe siècle avant Jésus-Christ, Héraclite dit exactement la même chose. Ah oui, tout à fait. Dommage qu'on ait que des fragments d'Héraclite. Mais justement, c'est tout à fait. Et il montre à quel point ce que nous voyons et ce que nous tenons pour réel est en fait la projection de ce que nous sommes. Oui. Par la structure langagière, par l'essence et par. Mais on n'a pas choisi Héraclite en Occident, c'est ça le problème. Exactement. Voilà. Alors, vacuité, ça ne veut pas dire néant. Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, c'est parce que la vacuité est que toutes choses peuvent exister. Parce qu'elles ne sont pas figées, si vous voulez. On ne peut pas concevoir la création, la formation d'un phénomène sans concevoir sa destruction. Si vous voulez, c'est nécessaire. Dès l'instant où il y a naissance, convergence de phénomènes pour créer un nouveau phénomène, il y a nécessairement dissolution à un moment donné pour créer de nouveaux phénomènes. Donc l'impermanence est vraiment constitutive de tout phénomène. Ça, c'est extrêmement important. Alors, comment faire pour que nous autres, impermanents de manière constitutive, puisque nous sommes nés et nous allons mourir, ça nous le savons, je crois que ça ne prend rien à personne. On se crispe beaucoup, on verra ça. Rien n'est plus difficile que de l'admettre, on a beau le savoir, le savoir est une chose, l'admettre en est une autre. Comment faire pour suivre la voie, je crois que c'est le lexique approprié, montré notamment par le Bouddha, pour atteindre ce que vous avez appelé l'éveil? Eh bien, d'abord, comprendre déjà tous ces mécanismes, observer son esprit, et ça c'est à travers le processus de la pratique méditative notamment, mais aussi, par exemple, dans l'éthique, quand on prend un vœu éthique, eh bien, en fait, on s'observe. On s'observe d'ailleurs essayer de tourner le vœu éthique qu'on a pris. Et on apprend énormément de soi. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir tous les mécanismes conditionnés qui sont en nous. Et petit à petit, les défaire. Ce qui compte, c'est de détricoter ce que nous avons tricoté dans notre esprit. Mmh. Et ce détricotage, il peut prendre effectivement du temps. Mais dans la pratique, on apprend vraiment à se détendre par rapport à tout ça et ne pas saisir ni les pensées, ni les émotions, etc., ni nos projections au premier degré, comme on le fait habituellement, mais de voir qu'en fait, tout ça n'a pas de véritable nature en soi. Et que par conséquent, on peut complètement se détendre dans autre chose. C'est petit à petit, on va découvrir qu'on a une nature fondamentale qui est complètement différente. Et qui est vide, certes, mais en même temps connaissante. C'est ce qu'on appelle la nature de l'esprit. Donc, la nature de l'esprit n'est pas l'esprit. L'esprit, c'est une sorte d'épiphénomène à partir de cette nature, mais qui est conditionnée. Alors que cette nature n'est pas conditionnée. Donc, il y a un fond en nous qui n'est pas conditionné, qui est la nature de Bouddha. Et par conséquent, alors là, je passe au Mahayana, évidemment, en disant ça, au grand véhicule, mais c'est une trame vide et lumineuse, si vous voulez, qui constitue véritablement quelque chose d'inconditionné au-delà du temps et qui est véritablement notre transcendance intérieure. Voilà, mais ça, c'est difficile de comprendre le rôle de la transcendance avec tout ce que vous dites. Bah oui. Parce que s'il y a une vacuité, ces phénomènes derrière lesquels il y a peut-être une vérité qui est elle-même l'ignorance, quelle place y a-t-il pour la transcendance? Et quel est-il? C'est un au-delà? Bah, l'ignorance n'est que superficielle. C'est comme des voiles qui recouvrent en quelque sorte un ciel avec son soleil. Mmh. Et quand les voiles s'écartent grâce à la pratique, eh bien on voit le ciel bleu et le soleil qui brille dedans. Notre ignorance n'empêche pas notre fond d'être fondamentalement vide et lumineux. Et c'est simplement que le bruit de fond recouvre entièrement cette capacité de voir véritablement notre vraie nature. Et donc, il s'agit de lâcher les liens avec notre existence conditionnée pour trouver le lien avec notre vraie nature. Mais cette vraie nature, comme vous dites, qui est changeante, fait d'un processus elle perpétuel... Elle n'est pas changeante. Elle est au-delà du temps. C'est là où il y a la transcendance. Elle est inconditionnée. Donc si elle est inconditionnée, elle n'est pas soumise ni à cause ni à condition. Donc l'idée est de partir... Elle est atemporelle, ouais. Voilà. L'idée est de puiser dans ce de quoi nous sommes faits aussi, où nous pensons être faits, qui est ce flux temporel qui se perpétue et nous transforme sans cesse, pour atteindre cette forme de transcendance où là, il n'y a plus de temps, c'est ça? Il y a une forme voilà, de... Voilà, parce que en fait, alors c'est dans certains enseignements assez précis, hein, dans le bouddhisme tibétain, par exemple, dans ce qu'on appelle la grande perfection, on explique bien que même le fonctionnement de notre esprit ordinaire avec ses pensées, ses émotions, etc., c'est en fait le dynamisme qui surgit de cette nature fondamentale, mais qui est un dynamisme qu'on ne comprend pas du fait d'une ignorance qui est en quelque sorte co-émergente à ce dynamisme. Et à ce moment-là, en fait, on se fourvoie, on prend toutes ces manifestations pour autres. Et on crée une dualité entre le sujet et l'objet. Et à partir de là, en fait, on perd complètement le contact avec notre vraie nature. Et c'est une sorte d'amnésie métaphysique qui se crée. Et ça se fait pas seulement à un certain moment, c'est pas une chute, un peu comme dans la chute biblique. C'est pas à un moment donné dont on serait tous tributaires maintenant avec un péché originel. Non, c'est quelque chose qu'on fait à chaque instant. C'est-à-dire on choisit plutôt l'ignorance que la connaissance. Mais on a quand même la possibilité d'observer son esprit et de ne pas faire ce choix. C'est ce qu'on essaie de faire tous les matins ici. Mais Bouddha, finalement, tout ce que vous décrivez, seul Bouddha, le Bouddha y parvient. Est-ce que nous sommes tous des Bouddhas en puissance ou est-ce qu'en fait on sait bien qu'on n'y arrivera jamais? Le Bouddha, il est parvenu parfaitement et complètement. Mais on peut y parvenir d'abord un petit peu partiellement, petit à petit, avec des éclaircies. Vous savez, les éclaircies, quand le ciel est vraiment couvert, ça fait du bien. Et petit à petit, les éclaircies vont rentrer en coalescence et il y aura de moins en moins en fait, de nuées. Mais ça, c'est le travail de toute une vie, évidemment. Ou même peut-être de plusieurs vies. Alors on va prendre un cas particulier, parce qu'on parle du Bouddha, on parle voilà de cette philosophie bouddhique en général. Un cas particulier qu'on va aborder à travers le cinéma, voici un extrait de Kundun de Martin Scorsese, 1997, qui retrace la jeunesse du 14e Dalai Lama. Nous allons vous raser la tête. N'ayez pas peur, Rinpoche, n'ayez pas peur. Venez. Nous allons vous couper les cheveux. Où allez-vous? Revenez. Voilà des siècles. Un enfant vint au monde au Tibet. Il se nommait Gendendrup. Le soir de sa naissance, des brigands attaquèrent sa maison. Alors, ses parents ont dû fuir pour sauver leur vie. Ils cachèrent le bébé. Le lendemain matin, quand ils revinrent, le bébé était encore en vie. Il était gardé par un couple de corbeaux tout noirs. Il fut le premier. C'était Chenrezi. Nous l'appelons Kundun. Vous m'êtes apparu dans une vision. Je m'appelle Retim. Je suis votre régent. Je vous ai trouvé, ce fut difficile. Mais vous m'avez laissé de bons signes. J'espère que je ne vous ai pas fait attendre trop longtemps, Kundun. Vous avez choisi de reparaître dans cette vie une fois de plus. Vous resterez aussi longtemps que vous le pourrez. Et puis, vous reviendrez encore. Vous continuerez de renaître encore et encore, aussi longtemps que toute vie continuera, aussi longtemps qu'un être vivant respirera. Où qu'il soit, ce sera là que, par compassion, le Bouddha apparaîtra. Philippe Cornu, aidez-nous à comprendre le rôle du Dalai Lama, parce qu'ils ne sont pas synonymes, Dalai Lama et Bouddha. Non, mais le Dalai Lama, c'est d'abord, c'est dans le contexte du bouddhisme tibétain. Bien sûr, c'est un porte-parole, je dirais, connu mondialement. Mais les Dalai Lama n'étaient pas destinés à ce rôle. C'est les circonstances historiques qui l'ont propulsé sur la scène internationale. Parce que si les Chinois n'étaient pas rentrés au Tibet, n'avaient pas brutalement envahi le Tibet, qui était un pays indépendant, il faut le dire, hein, tant pis pour les Chinois, le Dalai Lama n'aurait pas été en exil et obligé de parler de la cause tibétaine systématiquement. Mmh. Mais il a aussi enseigné énormément dans le monde entier. C'est un grand maître également qui a énormément de connaissances. Il a été parfaitement entraîné, il a fait tous ses examens de théologie, si j'ose dire, avant de partir du Tibet. Et c'est quelqu'un qui étudie énormément. Donc c'est quelqu'un d'assez singulier, même parmi les Dalai Lama. Mais d'autre part, le Dalai Lama n'est même pas le chef de son école. Il faut savoir que... Oui, on en fait l'apôtre du bouddhisme ou le pape du bouddhisme, c'est pas ça. Non, ça c'est vraiment une assimilation abusive. Le Dalai Lama en fait est un moine d'abord, effectivement, qui essaye de pratiquer du mieux qu'il peut, le plus sincèrement possible, mais par ailleurs, ses avis sont purement consultatifs. Et certains Tibétains s'opposent parfois à lui. En tout cas, il n'est pas le chef de son école Gelugpa, c'est le Ganden Tripa qui est un autre, c'est un moine qui est élu en fait par tout le collège des moines. Il y a quand même un chef. Il y a un chef d'école, effectivement, pour chaque école. Mais c'est pas pour autant que ça soit le Dalai Lama. Le Dalai Lama est le protecteur en quelque sorte de tous les bouddhistes tibétains, mais également des musulmans bouddhistes tibétains, je veux dire, et des autres religions. Il est le protecteur des religieux. Bon, mais en même temps, il a été chef d'État, effectivement, en tant que Dalai Lama, etc. Bon, alors tout ça, ça fait beaucoup de confusion parce qu'on pense évidemment peut-être au Vatican, au pape, etc. Mais le bouddhisme n'est pas hiérarchisé. Donc il n'y a pas cette hiérarchie pyramidale comme il y a dans l'Église catholique, qui d'ailleurs à peu près la seule, est aussi pyramidale dans toutes les religions. Donc, voyez, on fait un calque complètement abusif. Non, le Dalai Lama, par contre, il est écouté parce qu'on reconnaît sa sagesse. Et c'est vrai que ses avis sont souvent partagés par beaucoup de bouddhistes, mais c'est pas une obligation. Il nous montre en tout cas que le bouddhisme n'exclut pas, une fois peut-être atteint l'éveil, le retour à la vie avec les autres. Vous en parliez en début d'émission, cette importance d'autrui dans la philosophie bouddhique. Et vous abordez à la fin de votre livre, Philippe Cornu, la question de l'engagement social et politique du bouddhisme. Vous vous demandez si le bouddhisme pourrait répondre aux questions d'éthique du monde contemporain. Mmh. Et vous les passez en revue, hein. Vous montrez sur l'écologie, sur des questions vraiment plus bioéthiques. Je vous propose qu'on écoute le Dalai Lama, on va rester avec lui. Après, on peut l'étendre à d'autres personnes de du bouddhisme, qui répond à la question de l'euthanasie. Pour montrer à quel point il est en phase avec des questions contemporaines. Tout à fait. Je pense que nous devons analyser plus loin ce désir de mourir. Si les raisons sont basées sur quelque chose, s'il y a des véritables raisons, eh bien c'est OK. Par exemple, quite expensive. Si on dit que c'est très cher d'utiliser telle ou telle machine et qu'il n'y a aucun espoir de vraiment se rétablir, mais que c'est uniquement de maintenir le corps en vie, mais que fondamentalement, eh bien, la mort est déjà là, eh bien. Et en fait, si dans tous les cas, il n'y a aucun espoir de survie, mais que ça crée uniquement plus de problèmes, eh bien, dans ces circonstances-là, si la personne veut mourir, je pense que ce sont des cas exceptionnels. Mais autrement, si c'est juste dû à l'impatience, parfois ça arrive, eh bien alors, je pense qu'on ne devrait pas laisser ces personnes mourir. On devrait essayer de réduire leur impatience et leur donner de l'espoir. Pour guérir, en fait, la volonté des patients est essentielle. Donc il faut leur donner de l'espoir et une confiance qu'ils peuvent surmonter ces souffrances. Comment faut-il entendre cette parole du Dalai Lama, insistée à l'Université de Lausanne le 15 avril 2013? C'est consultatif, vous l'avez dit, comme en France, le Comité national consultatif d'éthique. On y entend ce que vous nous avez appris sur la religion et la philosophie bouddhiste. Mais est-ce que c'est une manière de venir en aide à nous autres ici-bas qui tentons de vivre comme nous pouvons? Est-ce que c'est une manière de, comme une forme de, d'enseignement de ce qu'est la sagesse bouddhique? Comment est-ce qu'il faut l'entendre? Alors, c'est un enseignement, oui. Mais évidemment, le cas n'est pas... Alors, quoique l'histoire de la mort volontaire est abordée quand même dans le texte bouddhique. Il y a des sujets éthiques qui sont pas abordés parce que tout simplement, ils n'existaient pas à l'époque. Donc là, il faut adapter la compréhension du bouddhisme à des situations nouvelles. Là, c'est pas vraiment une situation nouvelle. L'euthanasie, disons, ce qu'il nous dit, finalement, c'est qu'une sorte d'euthanasie passive, c'est-à-dire le fait de débrancher quelqu'un qui ne peut pas continuer à survivre s'il n'est pas assisté et s'il n'y a pas d'espoir, c'est tout à fait logique et cohérent. Je veux dire, c'est en fait on rejoint simplement un processus naturel qu'on a interrompu par justement les techniques médicales. Donc là, on revient simplement à la naturalité de la mort. Par contre, pousser la mort alors que les processus ne sont pas engagés véritablement, et parfois il y a des gens qui souhaitent mourir, je dirais volontairement, par peur peut-être de quelque chose qui va se produire par la suite, d'un handicap grave, y compris mental, parce que par exemple des gens qui sentent qu'ils vont avoir Alzheimer, etc. Là, il y a la question de savoir est-ce que c'est vraiment. Alors là, il y a aussi l'aspect religieux, il y a l'aspect éthique, mais il y a l'aspect, enfin, spirituel, je dirais plutôt. C'est-à-dire, ok, on abrège la vie, mais qu'est-ce qui se passe? Le karma n'est pas abrégé, lui. Donc, en fait, le karma qu'on a interrompt à ce moment-là dans cette vie, son énergie résiduelle est là. Et donc, elle va se prolonger et elle va se manifester plus tard. Oui, mais c'est nous qui ne voulons plus souffrir. Ah ben oui, mais on souffrira plus tard. La belle affaire. Ça ne change rien. Donc, on ne peut pas s'en sortir. Mais non, c'est pas. Il faut éradiquer la souffrance dans son essence, mais pas essayer d'éviter et de fuir la souffrance. Donc la mort n'est pas une option pour moins souffrir, selon les bouddhistes. Non, la mort c'est un processus naturel, mais si la mort était un point final, bon, là, effectivement, on se poserait même pas de questions morales. Mais si on considère que la mort nous débouche sur une autre existence, là, il y a quand même une question à se poser. Qu'est-ce qu'on se prépare? Et là, ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Tout simplement parce qu'on crée, dans son propre continuum mental, des conditions. Tout acte mental, intentionnel, en vue de perpétuer le sentiment du moi, précisément, ou même de l'annihiler, ce qui est à peu près la même chose, c'est-à-dire c'est toujours égocentrique, quelque part, il faut bien le voir, à un moment donné, eh bien, tout acte de ce type a des effets sur le continuum mental qui l'a produit. Donc, on n'échappera pas à ces effets. C'est reculer pour mieux sauter. Et comment est-ce qu'un discours ou une pensée bouddhiste... Par contre, on peut accompagner la douleur, etc. Ça, c'est clair. Comment est-ce que cette pensée-là pourrait... qu'aurait-elle à dire en ce qui concerne le problème très actuel aujourd'hui de l'écologie, puisque vous l'abordez dans votre ouvrage? Alors, l'écologie, les bouddhistes ne se sont pas posés vraiment la question de l'écologie à l'époque, parce que tout simplement, le problème se posait pas. Mais effectivement, par exemple, on a l'exemple de l'empereur Ashoka qui a quand même interdit la chasse d'un certain nombre d'espèces en Inde, donc au 3e siècle avant Jésus-Christ, qui avait fait tout un tas d'aménagements sur les chemins en Inde, planté des arbres, etc. Bon, il y a un souci quand même de l'harmonisation avec la nature qui peut exister dans le bouddhisme. Et puis, il y a aussi un souci de comprendre qu'il faut respecter son environnement parce que nous sommes dépendants de notre environnement. Voilà. Mais alors, quel est le lien entre nous, nous autres êtres humains, et l'environnement et les animaux ? Est-ce qu'il y a une vraie différence ou est-ce que nous sommes partie du même flux ? La condition humaine est une condition temporaire. Ça peut très bien déraper en condition animale ou en condition autre, parce qu'il n'y a pas que la condition animale et la condition humaine, il y a aussi des êtres invisibles pour le bouddhisme. Donc, il y a différents types de renaissance possible dans différents scénarios d'existence. Donc, on n'est que dans un scénario humain momentanément. Donc, il faut quand même un peu faire gaffe. Les animaux, par exemple, sont doués d'esprit. Les animaux sont doués de sentiments. Les animaux sont doués de sensibilité. Par conséquent, on doit les respecter aussi bien que les êtres humains. Il n'y a aucune raison qu'on hiérarchise même par rapport aux animaux quelque chose du type par exemple élever des animaux dans des choses absolument abominables de l'agroalimentaire à l'heure actuelle. C'est carrément monstrueux, c'est concentrationnaire, c'est quelque chose qui a été je dirais même que c'est presque une sorte de, on s'est donné cette permission là après l'avoir fait sur des êtres humains, parce que auparavant, avant guerre, il n'y a jamais eu ça. Et on voit bien une espèce de mauvaise direction que l'humanité a prise, malgré l'horreur condamnée, en quelque sorte, de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on l'applique au monde animal, indistinctement. Et je pense qu'une société qui fait ça, c'est une société qui va très mal, parce qu'il n'y a aucun respect de la vie, véritablement. Donc ça veut dire que dans le bouddhisme, on le respecte l'animal comme autrui, on ne le mange pas évidemment, j'imagine, et on ne le tue à aucune condition. On s'efforce, disons, d'aller vers peut-être le végétarisme, mais c'est pareil, il n'est pas obligatoire. Il n'y a pas d'obligation. Non, mais il est cohérent avec ce que vous dites. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, par exemple, des bouddhistes tibétains dans le haut plateau, je veux dire, s'ils ne mangent pas un peu de viande, s'ils ne mangent pas des produits laitiers... ils vont pas manger grand-chose, hein. Donc il y a aussi les conditions, il y a des conditions physiques aussi qui parfois ne permettent pas de ne pas manger de viande. Donc il y a pas non plus une interdiction. Il y a pas de prescription alimentaire en tant que telle. Est-ce que vous diriez que le bouddhisme est une philosophie du bonheur ? Je pose la question. Et donc, sommes en moyen de comprendre votre réponse. Le gros problème du bonheur, c'est quel bonheur ? Mais justement. Qu'est-ce qu'on parle ? Si c'est le bonheur temporaire, moi j'ai un de mes maîtres qui dit le bonheur, comme les gens le conçoivent, c'est juste le fait d'être comme quelqu'un au fond de son lit, à l'hôpital, avec une maladie mortelle, qui reçoit une piqûre qui le soulage momentanément. Donc la suspension de la douleur. Voilà. C'est pas du tout la réalité du bonheur. Le bonheur, c'est quand on s'est affranchi de tous les conditionnements. Là, effectivement, quand on atteint l'inconditionné, le bonheur, il est au-delà du temps. Bon, c'est-à-dire que c'est pas pour nous autres. Bah, c'est pas pour nous autres dans notre condition humaine actuelle. Mais ça veut dire qu'on peut dépasser la condition humaine. Être un Bouddha, c'est dépasser la condition humaine. Donc voilà. C'est un programme vaste, profond et difficile. Évidemment. Et je dirais que être bouddhiste, c'est exigeant. En effet, ce n'est pas 5 minutes par jour. On essaye d'être à peu près présent à tout ce qui peut se produire pour nous à tout moment. Mais pour l'écologie, je voulais revenir à quelque chose. Oui. C'est que, en fait, notre corps, par exemple, il fait partie de cette agrégation d'éléments qui nous constituent. Mais le corps n'existe pas sans son environnement. On ne peut pas exister dans une bulle. Donc il faudrait peut-être simplement se rappeler de ça. Si on détruit l'environnement de l'homme, on détruit l'homme, automatiquement. On détruit les espèces aussi, etc., la biodiversité. Mais l'homme ne peut pas survivre avec cet orgueil de domination de la nature. C'est absolument une aberration. Mais l'homme est aussi constitué d'une pulsion de destruction, et peut-être l'homme ne tient-il pas tellement à l'homme aussi. C'est une des limites de la condition humaine, peut-être, parce que l'homme désire toujours plus. Et or... pourquoi toujours plus alors que plus ne sera jamais assez ? Non, mais l'homme désire aussi se nuire. Se ? Nuire. Il semblerait, mais peut-être pas seulement. Et je pense que cette vision est un peu pessimiste quand même. En cas de grande crise, on voit beaucoup plus de solidarité en fait que de combativité en fait. Il s'avère que dans les grandes catastrophes, par exemple, les gens sont plus solidaires. Hein, comme le dit Pablo Servigne, hein, c'est clair. Toute dernière question, Philippe Cornu. Que pensez-vous aujourd'hui d'une forme de récupération du bouddhisme par le développement personnel? Le bouddhisme, peut rendre heureux, nous permet de vivre. Alors là, c'est carrément politique, je dirais. Ma position, c'est que le néolibéralisme fait feu de tout bois. Et il est capable, pour des histoires de profit, d'utiliser n'importe quoi, y compris la méditation. Quand on a vu que le management dans l'entreprise, le management dur, si vous voulez, conduisait à des suicides, etc., on s'est aperçu que c'était contre-productif. Alors maintenant, on rajoute une dose de méditation de façon à ce que les gens aillent mieux. Mais c'est bien sûr pour l'entreprise et pas pour eux-mêmes. Mais pourquoi pas, finalement? Pourquoi pas? Parce que effectivement, il y a beaucoup de souffrance et beaucoup de stress. Je suis d'accord. Mais la méditation n'est pas faite pour la souffrance du stress, où il y a un but bien plus important derrière. Voilà. Et ça occulte en quelque sorte l'importance de ce qu'est véritablement la méditation dans son contexte et avec toute la philosophie qui est derrière. La méditation, on en parlera mercredi prochain. Merci beaucoup Philippe Cornu d'être venu nous parler de votre livre aujourd'hui et du bouddhisme qui nous accompagnera toute cette semaine. Le livre s'appelle Le bouddhisme, une philosophie du bonheur. On le trouve aux éditions du Seuil et vous êtes en train de rédiger un manuel pour initier étudiants, parce que effectivement ils ont toujours pas de manuel, les pauvres, et donc hâte de vous lire. On se quitte avec Nina Simone, Everything Must Change, enfin ici bas, pas là-haut avec le Bouddha. Everything must change, nothing remains the same. Everyone must change. No one and nothing remains the same. Young becomes the old. Oh, Mr. That's the way of time. Nothing and no one remains the same. There is all little and heureusement, il y a des choses qui ne changent pas, même quand on n'est pas Bouddha. Le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie, en fait partie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous parlez de secrets. Le secret a-t-il perdu de son charme? A-t-on encore des secrets? Peut-on encore en avoir? À l'heure de Facebook et Instagram, des réseaux sociaux où chacun se met à nu, à l'époque de Wikileaks, des théories du complot et de la transparence, avoir des secrets paraît un peu anachronique, voire carrément suspect. Alors bien sûr, il y aura toujours et encore des non-dits, de l'inconscient et des mensonges, au moins par omission. Tout dire semble bien impossible. Mais pourquoi ne pas tout dire? Avoir volontairement ou malgré soi des secrets semble aujourd'hui condamnable. Comment défendre cette part d'ombre en nous et la nécessité de ne pas tout dire ou tout savoir? C'est la philosophe et psychanalyste Anne Dufourmentel, disparue en 2017, qui nous en donnait la réponse dans cet essai qui reparaît aujourd'hui aux éditions Payot, Défense du secret. Elle en décline les différentes formes et commence avec le secret des secrets, le secret fondateur et universel, celui d'Œdipe. Je me rendis à Delphes. Le dieu m'est conduit sans même me répondre, mais m'annonça en revanche un destin effroyable. Je coucherai avec ma mère, j'engendrerai une lignée maudite, et je serai l'assassin de mon père. Dans Défense du secret, Anne Dufourmentel commence ainsi avec le secret par excellence, le secret d'Oedipe, qui une fois dévoilé lui est fatal. Car c'est bien quand il apprend qu'il tuera son père et épousera sa mère qu'il prend la funeste décision de partir et de commettre précisément le destin qu'il voulait fuir. C'est donc tout l'enjeu du secret, le garder secret, justement. Alors même qu'on aimerait savoir, alors même que persiste cette croyance que savoir pourrait nous délivrer, nous libérer, nous apporter une lumière, nous faire avancer. Le secret contient ainsi quelque chose qui ne demande pas à être connu, mais au contraire à être protégé. Parler du secret, c'est donc paradoxalement seulement le nommer, l'avoir pour soi sans vouloir le connaître. Mais alors comment faire? Comment parler du secret sans l'éventer ni attiser la curiosité? Et comment faire aujourd'hui quand on promeut le savoir, la vérité ou la libération de soi par la psychanalyse par exemple? Madame, je n'ai pas de troubles psychiatriques ou vos conneries de je ne sais pas quoi. Je vois que vous suivez une psychanalyse depuis 8 ans, à 3 séances par semaine. Vous avez l'air en détresse. C'est mon âme qui me fait souffrir, ça vous n'y pouvez rien. Et pourquoi je n'y peux rien? Bien parce que vous êtes une femme. Et alors? Excusez-moi, mais les femmes, c'est pas pareil que les hommes. C'est-à-dire? Vous n'avez pas d'âme. Parce que je suis une femme. Ne me regardez pas comme ça, ce n'est pas de ma faute. Vous avez déjà vu une femme prêtre ou une femme rabbin? Le secret semble le cœur de la psychanalyse. Anne Dufourmentel, psychanalyste, en savait quelque chose et c'est ainsi qu'elle nous rappelle que c'est contre la grande bourgeoisie viennoise, habituée aux non-dits et à la dissimulation, que Freud avait élaboré ce processus de délivrance de soi par la parole, par ce travail qui pousse à tout dire. Comment, dès lors, se libérer, sortir de l'obscurité, mais sans pour autant vouloir connaître les secrets qui nous travaillent? La psychanalyse est-elle d'ailleurs au fond ce travail qui consiste à tout dire absolument ou à seulement savoir qu'il y a des secrets sans pour autant les divulguer? Eh bien, cette dernière possibilité, savoir qu'il y a des secrets mais sans les connaître, est une première manière de défendre le secret, selon Anne Dufourmentel, de l'entretenir, de le cultiver, sans être totalement dans l'obscurité. Une autre manière de défendre le secret est peut-être celle-ci. Ce sont des sujets qui ont été traités, monsieur le président, par... Je n'aurais pas traité, si j'avais su que vous étiez comme ça. Moi, je n'ai pas besoin de perdre mon temps sur des sujets pareils, alors qu'il s'agit simplement de polémiques fabriquer, inventer, à laquelle je n'ai rien à voir. Mais il s'agissait d'écoutes qui auraient été commandées par la cellule antiterroriste de l'Élysée, bien sûr pas... Vous voulez qu'on s'en encore un peu plus? Mais... Je n'ai pas l'intention, à vous, que rien n'autorise à cela, de répondre à vos questions. Au milieu des années 80 se déroule une affaire d'État, celle des écoutes téléphoniques demandées par le président François Mitterrand. Questionné sur ce sujet quelques années plus tard, il refuse, comme on l'a entendu, de répondre. On est proche ici du secret d'État. Et c'est bien une autre manière de défendre le secret, refuser tout simplement de répondre. On connaît le secret, mais on refuse de le divulguer. On pourra invoquer la transparence, mais finalement, tant de choses nous échappent. Les processus de la nature, des histoires de famille ou une certaine idée du destin. L'idée, dans ce livre, en défendant le secret, n'est pourtant pas de prôner l'ignorance, mais de savoir qu'il y a de l'ignorance, car, et c'est la leçon de ces pages, vouloir dévoiler le secret n'est jamais synonyme de vérité, mais seulement de volonté de puissance, de maîtrise. Or, ne pas connaître un secret n'est pas être ignorant, mais accepter très sagement que l'on sait, que l'on ne sait pas. Et voilà, on revient au bouddhisme. La boucle est bouclée. Merci Géraldine de nous parler du travail d'Anne Dufourmentel. D'Anne Dufourmentel, donc Défense du secret qui reparaît chez Payot. Et il y a aussi Blind Date, Sexe et philosophie, toujours d'Anne Dufourmentel, qui paraît aussi chez Payot. Tout un programme. Merci Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à Izzy Jourda qui a préparé cette émission avec Colomba Grossi, Mathieu Tarpin, Elsa Le Saunier, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Emmanuel Morse d'Incan à la prise de son, Georges Classe à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur le bouddhisme. Demain, on se demandera qui était Bouddha ou le Bouddha, en compagnie de Marc Balanfa. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des chemins de la philosophie vous donne également rendez-vous sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là, surtout, restez à l'écoute sur France Culture.